Non, ne crois pas, fillette, me retenir encore dans tes rues sans violette, dans ton triste décor. N'essaie pas de me suivre, déserte mes rivages. Loin de toi, je veux vivre de plus beaux paysages. Petite fille des sombres rues, éloigne-toi. Petite fille aux yeux perdus, tu m'oublieras. J'ai trop longtemps vécu dans de pauvres ruelles, trop longtemps attendu un dernier arc-en-ciel. J'ai besoin de soleil et d'horizons moins gris. Je veux voir les merveilles que près de toi j'oublie. Petite fille des sombres rues, éloigne-toi. Petite fille aux yeux perdus, tu m'oublieras. Je ne suis pas de ceux que chasse la lumière et qui vivent heureux un éternel hiver. De l'amour je ne veux que les filles des rivières. Lorsque j'aime les yeux, j'aime aussi la chaumière. Petite fille des sombres rues, éloigne-toi. Petite fille aux yeux perdus, tu m'oublieras. Nos chemins se séparent, entends la vie m'appelle. Je quitte tes trottoirs et tes grises dentelles. Je pars pour des royaumes où l'on m'attend peut-être, où le bonheur embaume et donne un air de fête. Petite fille des sombres rues, éloigne-toi. Petite fille aux yeux perdus, tu m'oublieras. Laisse-moi m'en aller, je n'ai plus rien à dire. Mais si tu veux pleurer, n'essaie pas de sourire. Retourne dans ta nuit, au fond de tes faubourgs. Retourne dans la nuit qui habite tes gens. Petite fille des sombres rues, éloigne-toi. Petite fille aux yeux perdus.